ce qu'elle est nourrée, c'est bien. C'est pas faute moi si j'en dis, le pan est bon la vie. Pas blairé, ça qui est rangé. Shalala.